Pendant longtemps, la question a été taboue. Il ne fallait pas toucher à la résistance. Attaquer l'un de ses membres, c'était mettre en question le courage et l'honneur de tous. Pire, il a été difficile de mettre à bas le mythe d'une France résistante tout entière dressée contre l'occupant. Alors qu'en fait, nous pouvons le dire aujourd'hui, les Français dans leur majorité, plutôt que d'être vichistes ou résistants, ont d'abord été attentistes. Ce qui, entre parenthèses, ne confère que plus de mérite à ceux qui ont eu l'audace ou la lucidité de choisir le bon camp, celui de l'antinazisme. La libération du territoire commençait, il importait donc au plus tôt de se ranger du côté des vainqueurs, car, on pouvait l'imaginer aisément, l'avenir appartiendrait à ceux qui auraient dans leur poche un brevet de résistant. Il y a donc eu des résistants de la dernière heure ou de la 25e heure, des hommes qui se sont dépêchés d'enfiler un brassard de FFI sur la manche de leur chemise. Mais il y a eu plus grave, les vrais faux résistants, des hommes qui, pour échapper à leur passé et aux tribunaux, sont passés sans coup férir de la collaboration à la résistance, en se fabriquant de faux états de service, en achetant des témoignages ou même en inventant d'imaginaires réseaux. Collabos hier, résistants aujourd'hui, ils sont ainsi passés à travers les mailles souvent très lâches de l'épuration. Et pendant des années, ils ont été intouchables, tant les vrais résistants, attachés à défendre leur honneur, ont fait en sorte que la résistance, telle la femme de César, ne puisse jamais être soupçonnée, au risque de protéger les traîtres qui s'y étaient frauduleusement infiltrés. Pourquoi ce long préambule ? Parce que cette semaine, M. X a choisi de me raconter l'histoire d'un de ces hommes, l'histoire d'un faux résistant donc, un personnage qui a fait une brillante carrière, mais qui a été rattrapé par son passé. Les archives n'ont pas la mémoire courte, et lorsqu'elles tombent dans des mains intéressées, celles d'agents des services étrangers par exemple, elles peuvent se révéler d'une redoutable efficacité. Un avertissement d'abord. L'homme dont je vais vous parler est mort après avoir été amnistié. Alors moi, je veux bien vous donner son nom, mais il a des descendants. Il y a des gens qui pourraient attaquer si nous prononcions son nom. Bah, telle est la loi, en effet. Alors à vous de choisir. Bon, au fond, est-ce qu'il est si important que cela de révéler son nom ? À vrai dire, je ne crois pas. Ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est que je vais devoir masquer certains détails qui pourraient permettre de le reconnaître trop facilement. Bah, écoutez, tant pis, enfin... Évitons quand même un procès en diffamation, si vous le voulez bien, et appelez-le comme vous voulez. Hein. Laurent, Robert Laurent, ça vous va ? J'ai l'impression que vous n'avez pas choisi ce patronyme au hasard. C'est juste, mais enfin, passons. Alors, qui est donc ce mystérieux Laurin ? Quand l'affaire éclate à la fin des années 60, c'est un haut fonctionnaire bardé de décorations. Un haut fonctionnaire, c'est bien vague. Hein. Vous pouvez quand même être un tout petit peu plus précis. Comme vous voudrez. Laurin est alors au sommet de la hiérarchie préfectorale, ça vous va ? Mais préfet, comme Papon en somme. Tout à fait, et comme Papon à la Libération, Laurin est passé à travers les gouttes. Enfin, restons-en là pour les ressemblances, car la trajectoire des deux hommes n'a pas du tout été la même. Celle de Laurin commence de quelle façon ? Avant-guerre, Laurin est déjà dans la préfectorale, modeste sous-préfet. L'homme n'est pas particulièrement remarquable, ni remarqué d'ailleurs. Que voulez-vous dire là ? Bien, c'est un fonctionnaire comme un autre, un personnage promis à une carrière ordinaire et qui, selon toute probabilité, gravira sagement les échelons. Ni brillant, ni tout à fait médiocre. Et l'homme ? Ah là, c'est plus intéressant. Ah, c'est-à-dire ? Pardonnez-moi cette expression un peu vulgaire, mais c'est une grande gueule. Un caractère qui détonne un peu dans la préfectorale. Vous avez raison, enfin, Laurin est ainsi, c'est un extraverti qui aime la bonne vie et qui n'hésite jamais à jouer des coudes pour se faire valoir. Ambitieux, donc ? Certainement. Laurin a une haute idée de lui-même. Et quand la guerre arrive, que devient-il ? Il est secrétaire général d'une préfecture à titre intérimaire. Mais dès la fin de l'année 40, il est titularisé. Ce qui signifie qu'il n'est nullement hostile à Vichy. Bien au contraire, Laurin fait partie de tous ces hauts fonctionnaires qui vont obéir à Pétain sans aucun état d'âme. Et les Jean Moulin, comme vous le savez, ne seront qu'une poignée. Jean Moulin qui était, lui, préfet de Chartres. Et qui a préféré rompre plutôt que de se déshonorer. Mais je ne fais pas un procès d'intention au seul préfet. Les magistrats, dans leur immense majorité, ont aussi prêté serment à Pétain. Il ne faut pas l'oublier. Mmh. Mais le Rhin, lui, va aller encore plus loin. Plus loin, racontez. Bah, très vite, il a des contacts avec le responsable local de la Gestapo. Et des contacts, oui. Soyons clairs, le sous-préfet Lorrain devient un agent de la Gestapo. On en a la preuve, ça ? Tout à fait. Lorrain est immatriculé en tant que tel par les services allemands. Et ça lui coûtera cher beaucoup plus tard, mais enfin, n'anticipons pas. Mmh. J'ajoute, c'est un point de vue tout à fait personnel, que je suis persuadé que Lorrain avait noué des contacts avec les nazis avant même la période de l'occupation. Mmh. Pure supposition ? Je dois l'admettre. Mais j'étais frappé par le fait que, pour sa défense, Lorrain évoquera très curieusement et à de multiples reprises ses affinités pour l'Allemagne et la culture germanique. Mmh. Bon, en tout cas, peu importe. Hein, ce qui compte, c'est qu'il soit devenu un agent de la Gestapo. Vous avez raison. Et à ce titre, le sous-préfet participe à la politique de répression nazie contre la résistance. Mais de façon assez cynique et sans doute à l'instigation de ses maîtres allemands, Lorrain noue aussi des relations avec un réseau de résistance. Une couverture ? En quelque sorte, oui. Et aussi un moyen de fournir en renseignement la Gestapo. Et donc de trahir. Naturellement. Mais est-ce qu'en prenant contact avec un réseau de résistance, Lorrain pense également à l'avenir ? Sans nul doute. On ne sait jamais, n'est-ce pas ? En 40, 41, même 42, la victoire allemande semble incontestable. Mais le vent peut tourner. Et Lorrain, en fréquentant quelques résistants, prend en quelque sorte une assurance sur les mains. Agent double, quoi. Agent double, oui. Mais c'est son employeur allemand qu'il privilégie incontestablement en infiltrant ce réseau. Toutefois, bientôt, il ne va plus être en mesure de choisir. Le destin va décider pour lui. Ah, que se passe-t-il hein? Lorrain va être victime de la guerre des polices, comme on dirait aujourd'hui. Expliqué. Il a toujours existé une rivalité féroce entre la PER, c'est-à-dire le service de renseignement dirigé par l'amiral Canary, et la Gestapo, la police secrète. Canary, c'est le père d'ailleurs de sa vie. Hein? C'est juste. Mais revenons à Lorrain. Lors de l'été 42. L'Abwehr opère une grande rafle chez les résistants du département où il est secrétaire général de la préfecture. Sans doute après une dénonciation. Naturellement. Mmh. L'Abwehr a introduit un homme dans un réseau. Le réseau où justement Lorrain, lui aussi, s'est infiltré. Résultat, le sous-préfet est arrêté en même temps que les vrais résistants. Ouais. Et j'imagine que la Gestapo doit lui venir aussitôt en aide. Eh bien non. Je comprends pas là, pourquoi ? Je vous ai parlé de la rivalité entre les services. Mm-hmm. Les types de l'Abwehr ne veulent rien entendre, et surtout ils veulent protéger leur propre agent. Par conséquent, aussi étonnant que cela paraisse, Lorrain arrêté va être jugé. Et condamné ? Oui, à une peine légère. Mais ça suffit pour qu'il soit transféré en Allemagne. Et Lorrain est donc déporté. Ce qui est quand même assez extraordinaire pour un agent de la Gestapo. Je l'avoue. Oui, ouais. Mais les Allemands vont quand même faire un geste pour leur homme. Sur le dossier de Lorrain, il y a une mention spéciale qui signifie détenu aménagé en raison des services rendus. Et il n'empêche quand même. Hein. Je suis d'accord. Bon, même avec un traitement de faveur, la déportation, surtout dans des endroits comme Dachau ou Buchenwald, reste une terrible épreuve. Mais paradoxalement, en déportant Lorrain, les Allemands lui rendent un immense service. Parce qu'ils font de lui un authentique résistant. Bien entendu, qui aurait l'idée d'accuser de trahison un homme qui vient de passer presque 3 ans dans les camps de concentration. Donc Lorrain, son retour en France, est accueilli avec les honneurs, décoré. Et il est tout de suite réintégré dans la préfectorale. Mais personne ne s'intéresse à ce passé ? Non, on ne se montre guère curieux. Et pourtant, il est dénoncé par une femme qui a été la secrétaire et la maîtresse de son officier traitant de la Gestapo. Et cette dénonciation reste sans effet ? Pas tout à fait. Lorrain est convoqué par le juge d'instruction qui s'occupe de l'affaire de cette femme. Mais notre homme a eu le temps de préparer sa défense. Il admet avoir eu des contacts avec la Gestapo, mais, dit-il, c'était sur ordre. Et sur ordre de qui ? De son chef de réseau, de la résistance. Mais en somme, on l'aurait chargé d'espionner les Allemands. Exactement. Mmh. Or, c'est le contraire qui s'est passé. Si Lorrain est devenu résistant, c'est sur ordre de la Gestapo. Et le juge gobe l'affaire. Pour être tout à fait franc, non. Et il a demandé au parquet l'autorisation de creuser le dossier. Mais l'affaire s'est perdue dans le maquis judiciaire. Mais elle s'est perdue ou on l'a perdue ? C'est une bonne question. Alors, à votre avis ? Je suis persuadé que dès cette époque, Lorrain a bénéficié de puissantes protections. Mais qui et pourquoi ? Un homme qui a trahi une fois est susceptible de recommencer, non ? Et pour ceux qui connaissent son secret, Lorrain va devenir un pion indispensable. Lorrain, a dit Monsieur X, a bénéficié de protections qui lui ont permis de ne pas être poursuivi pour trahison à la Libération. Voici l'avis d'un spécialiste, l'homme qui, à la tête de la DST, a dirigé 20 ans plus tard les investigations qui ont abouti à l'inculpation du préfet Lorrain. Dans un livre intitulé « 5 ans à la tête de la DST » publié en 1985 chez Plomb, Jean Rocher revient en effet sur l'étonnant aveuglement de la justice. Je le cite. Cette carence était déjà assez scandaleuse, elle le devint davantage encore quand, quelques mois après la transmission du rapport établi par le procureur général, le ministre de la Justice accepta, sans réaction apparente, que ce fonctionnaire soit affecté dans un poste d'autorité important et soit décoré de la Légion d'honneur. Il est vrai que, depuis son retour d'Allemagne, il s'était employé à trouver les moyens nécessaires pour échapper au sort qu'il méritait. Adhérent à l'une des principales formations politiques gouvernementales de l'époque, possédant la preuve de la trahison d'un parlementaire se réclamant du même parti, et qu'il avait entraîné dans la collaboration avec la Gestapo, notre homme avait fini par obtenir des attestations de résistance, de complaisance. Réintégré dans la préfectorale, Lorrain fait une très belle carrière. C'est-à-dire il passe de département en département. Comme préfet. Bien entendu. Mais pour revenir à ce que vous disiez précédemment, là, ceux qui avaient protégé Lorrain, et qui savaient donc qu'il avait trahi, hein, devaient attendre quelque chose en retour. Bien évidemment. Ouais. Mais quel service pouvait leur rendre un préfet? Enfin, quelles informations confidentielles pouvait-il leur transmettre? J'avoue que je ne vois pas, moi. Un préfet peut ne pas rester toute sa vie administrateur d'un département. Ouais, il peut être appelé à remplir d'autres hautes fonctions dans les services de l'État. Quand on manipule un agent, il faut voir loin. On mise sur un homme en attendant qu'un jour ou l'autre, il soit à même de vous être utile. C'est ce qui s'est passé pour Lorrain. L'homme, je vous l'ai dit, était ambitieux. Vous pouvez donc penser qu'un jour ou l'autre, cette ambition serait récompensée. Et une première fois, en 1958, il semble très près de réussir. 1958, le retour au pouvoir du général de Gaulle. Oui, Lorrain joue à fond la carte gaulliste et il se verrait bien ministre. Ah bon, pas moins. Non, et pour précipiter les événements, ce germanophile prend une initiative assez audacieuse. Quoi? Il se rend à Bonn et rencontre le chancelier Adenauer. Que veut-il, là? L'affaire est encore aujourd'hui mystérieuse. Soyez plus précis, alors. Lorrain se présente comme un proche du général de Gaulle et il presse le chancelier de venir au plus tôt à Paris. Pour rencontrer le général. Oui, et pour sceller ainsi de façon spectaculaire le rapprochement entre nos deux pays. Oui, mais quel est l'intérêt de Lorrain dans cette affaire? Il est évident que Lorrain veut apparaître aux yeux du nouveau pouvoir comme l'artisan de ce rapprochement et donc en tirer tout le bénéfice. Mais est-ce qu'il a été mandaté pour cela? À ma connaissance, non. Curieux, quand même. Enfin, en tout cas, même si c'est curieux, c'est pas très mystérieux. Attendez. Il semble qu'au cours de cet entretien avec Adenauer, Lorrain souhaite aller bien au-delà. Soyez plus précis encore une fois. Il aurait fait des offres de service au chancelier. Quel genre d'offres? Lorrain aurait laissé entendre qu'il était en contact avec des gens de l'Est. Des soviétiques. Oui. Il aurait tout simplement offert au chancelier et à son chef des services secrets, le célèbre général Gehlen, de jouer un double jeu, et donc de faire bénéficier les Allemands de toutes les informations qu'il était susceptible de recueillir. Pardonnez-moi, mais moi ça me paraît quand même assez extravagant tout ça. Ça. Lorrain était depuis des années sur la corde raide. À cause de son encombrant passé, il était coincé. Non seulement il pouvait à tout moment être dénoncé, mais il était tenu par ceux qui connaissaient ce passé. Donc, il était tentant d'essayer de s'en sortir en pactisant avec un service occidental. Il aurait pu faire la même proposition à un service français. Non, trop dangereux. Pourquoi trop dangereux? Il aurait tout simplement pris le risque de se faire coffrer, tandis qu'avec les Allemands, il était tranquille. J'avoue que j'ai quand même toujours des doutes. Hein. Je suis désolé de vous le dire, mais vous avez tort. Étonné. Réfléchissez à ceci. Lorrain, nous allons y venir, est arrêté en 1968. Et c'est aussi en 1968, peu après l'arrestation de Lorrain, que le général Gehlen va être obligé de quitter la direction des services secrets de l'Allemagne fédérale. Selon vous, il y a un lien entre ces deux événements? Je le pense, oui. Parce qu'à l'occasion de l'arrestation de Lorrain, nos services ont découvert que nos amis allemands jouaient un drôle de jeu. Et ils ont exigé le départ de Gehlen. Admettons. Alors, revenons au point de départ. Là, Lorrain voit donc Adenauer et le presse de venir à Paris, c'est ça, hein? Est-ce que ça donne un résultat? Pas tout de suite. Donc, il ne peut pas en tirer le bénéfice escompté. C'est vrai. Mais il ne fait nul doute que ce contact établi avec le chancelier sera profitable à Lorrain. Sinon, pourquoi aurait-il reçu 5 ans plus tard, à l'initiative personnelle d'Adenauer, une prestigieuse décoration allemande? Une sorte de remerciement. À l'évidence, oui. En tout cas, contrairement à ses espérances, Lorrain ne devient pas ministre. Et il ne cessera par la suite de postuler à d'autres postes. Pendant un temps, il laissera même entendre qu'il est sur le point d'être nommé à la tête de la DST. Intoxication ou réalité? C'est une idée qui n'avait rien de déraisonnable. Très souvent, les patrons du contre-espionnage français ont été les préfets. Et Lorrain, légitimement, étant donné ses états de carrière, pouvait prétendre occuper ce poste. Ouais, mais son passé... Son passé, personne ne le connaissait. À l'exception, bien sûr, de ceux qui le manipulaient. Bon, alors... On va peut-être y venir quand même. Hein. Qui était-il? Les soviétiques, si j'en crois ce que vous avez dit à propos de ses contacts avec les Allemands, c'est bien ça? Oui. Mais comment les soviétiques savaient-ils, connaissaient-ils son passé? À la fin de la guerre, les services de renseignement, tous les services de renseignement alliés, se sont précipités sur les archives nazies. Et les soviétiques ont souvent été les plus rapides. C'est ainsi qu'ils ont découvert dans les dossiers que Lorrain avait été immatriculé comme agent de la Gestapo. Et ils l'ont fait chanter. Bien évidemment. Lorrain ne pouvait pas refuser de travailler avec eux. Mais dites-moi, s'il était devenu directeur de la DST... Hein? Et on aurait eu un patron du contre-espionnage, agent du KGB. Ça aurait été un joli coup, non? Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Bien heureusement, non. Alors, les interventions occultes qui ont permis à Lorrain de ne pas être inquiété après-guerre, ce sont aussi les soviétiques ? Vraisemblablement. Oui, mais comment, enfin, de quelle façon ? Le KGB, je vous l'ai souvent démontré, ne manquait pas de relais dans les milieux de la résistance. Des communistes ? Pas forcément. Chez les gaullistes aussi, il y avait des agents d'influence. Oui, on en a déjà parlé. Autre chose, enfin, je reviens à la question que je vous ai posée précédemment. Hein. En tant que préfet, quel service Lorrain a-t-il pu rendre au KGB ? Ce n'est pas tant dans ses fonctions qu'il a été utile. Alors quoi ? Lorrain, je le répète, était un personnage qui avait la bougeotte. Il adorait fréquenter les gens qui comptent, les hommes politiques en particulier. Et à mon avis, il a été un précieux informateur. Les soviétiques ont toujours été friands de renseignements sur le personnel politique. Ils adoraient les fiches. D'accord, mais enfin, Lorrain n'avait pas accès à des secrets d'État. Quand il était seulement préfet, oui. Mais à la fin de sa carrière, il a été nommé à un poste stratégique. Ah, enfin, alors où ? Dans un important ministère où on l'a chargé des questions de défense. Et là, enfin, le KGB a touché le jackpot. Car à ce poste, Lorrain a eu connaissance d'informations sensibles. Incontestablement. Oui. Et comment a-t-il été démasqué ? À cause des Allemands. Encore eux ? Oui, je vous ai dit qu'à l'occasion de l'arrestation de Lorrain, on a découvert que nos amis allemands jouaient un jeu très curieux. Eh bien, Lorrain était partie prenante de ce jeu et c'est comme ça qu'il s'est fait prendre. Expliquez-moi. Le général Gehlen, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, avait été un fidèle serviteur du Troisième Reich. Oui. Avant d'être sorti d'affaire par les Américains, hein, qui ont décidé d'exploiter les talents de ce spécialiste de l'anticommunisme. C'est exact. Or, dans l'entourage de Gehlen, il y avait beaucoup d'anciens nazis. Il ne fait aucun doute que ses services sont venus en aide à des gens qui étaient en délicatesse avec la justice. À cause de leurs activités pendant la guerre. Bien sûr. Et Lorrain, volontairement ou pas, a lui aussi participé à ces opérations. C'est ce qui l'a perdu. Lorrain, puisque M. X a décidé de l'appeler ainsi, est en effet intervenu plusieurs fois en faveur d'anciens nazis. Il l'a reconnu lors de son procès. Ainsi, lorsqu'il était préfet d'un département où se trouvait une centrale dans laquelle étaient incarcérés de nombreux nazis et collaborateurs, Lorrain a obtenu pour nombre d'entre eux des libérations conditionnelles ou des transferts en hôpital psychiatrique. Et voici comment il s'en explique lors de son procès. En faisant libérer des condamnés, et j'ai fait libérer aussi des condamnés de droit commun, j'ai pu remettre dans la société normale un certain nombre de pauvres types qui, sans moi, seraient aujourd'hui des déchets, sans doute. Mais le journaliste du Monde, Jean-Marc Théoler, qui fait le compte-rendu de l'audience, remarque, je le cite, « Cependant, au nombre de ces condamnés qui durent directement ou indirectement des traitements de faveur à l'accusé, il est frappant de trouver des gens comme Knochen, adjoint du général SS Oberg, à Paris. » Et il est non moins surprenant de connaître le texte d'une lettre que lui adressait d'Allemagne le 24 mai 1956, une dame qui elle aussi s'intéressait au reclassement des anciens condamnés nazis en France et qui lui écrivait « Les gens de la SS auxquels j'ai parlé de votre action m'ont prié de vous exprimer toute leur admiration. » « Que veut dire cela ?» demandait le président. « Cela, répondit l'accusé, prouve simplement que j'agissais de façon désintéressée, librement, et sans craindre qui que ce soit. » Ce sont donc ces actions en faveur d'anciens nazis qui ont attiré l'attention sur lui. Oui. Et des actions qu'il entreprenait, dites-vous, à la demande même des Allemands. Et de Gehlen. Ouais. Mais aurait-il pu refuser ? Non, parce qu'il est évident que les soviétiques n'étaient pas les seuls à connaître son passé de traître. Gehlen aussi était en possession de son pedigree. Il était bien placé pour ça. Donc si je comprends bien, il était victime d'une sorte de double chantage. Effectivement, hein. Oui. Ouais. Et comment les services français ont-ils été amenés à s'intéresser à lui ? Quelqu'un un jour a dû s'étonner qu'un ancien résistant, décoré à plusieurs reprises, entretienne de si bons rapports avec d'anciens nazis et collabos, et une enquête a été ordonnée. Discrètement, j'imagine. Évidemment. Il fallait y aller avec des pincettes. C'est la DST ? Oui, cette même DST que Lorrain avait eu l'ambition de diriger. Comment ça s'est passé, vraiment ? Classiquement, c'est-à-dire qu'on a commencé à surveiller le personnage. Ouais, écoute, filature. Oui, jeu habituel. Et ça a donné des résultats ? Assez vite. On a d'abord eu confirmation que notre homme fréquentait bien des types au passé douteux. Deuxièmement, ça c'était une surprise, on a découvert que Lorrain ne dédaignait pas les petites combines. Que voulez-vous dire, là ? Mais à l'occasion, monsieur le préfet faisait des affaires. De quel ordre ? Du trafic d'armes, par exemple. Mais c'est de mieux en mieux. Mais comme vous le dites, enfin, on a obtenu la preuve que Lorrain était effectivement en contact avec des agents étrangers. Les soviétiques, les allemands... Et Lorrain était très éclectique. Il rencontrait aussi des anglais et des américains. J'ai du mal à vous succéder, donc un agent triple, quadruple. N'exagérons pas, Laurent, j'en suis persuadé, même si ce point n'a pas été formellement éclairci, devait agir ainsi à l'instigation de ses employeurs soviétiques. Et pour quelle raison? Pour se donner une couverture, en relation avec des hommes qui faisaient notoirement partie de services anglo-saxons qui auraient pu soupçonner qu'en réalité ils travaillaient pour le KGB. N'empêche, qu'anglo-saxons ou pas, hein, c'était quand même des gens qui appartenaient à des services étrangers. Vous avez raison, mais c'était beaucoup moins risqué. Peut-être, oui, en tout cas. Donc Laurent est démasqué. Ça, tout à fait, parce qu'on n'a pas encore mis formellement en évidence ses liens avec le KGB. Mais même s'il y avait des soupçons, oui, c'est ça. On avait découvert que Laurent était entré en rapport avec des diplomates soviétiques qui étaient connus pour être des agents du KGB. Mais pour aller plus loin, il fallait des preuves. Et d'autre part, on ne met pas un préfet, ancien déporté, en accusation comme ça. Il fallait s'appuyer sur du solide. D'autant qu'en haut lieu, on suivait l'affaire de très près. Mais pour du scandale. Bien sûr. Alors en attendant de pouvoir aller plus loin, les enquêteurs de la DST se sont intéressés au passé du préfet. Parce qu'ils ont deviné qu'il y avait peut-être eu là-dessous une faille. Oui, mais on a fait une première constatation très troublante. Laquelle? Le dossier administratif de Laurent comportait de sérieuses lacunes. On avait fait disparaître des pièces? Oui, ouais. Et en particulier tout ce qui concernait les années de guerre. C'était donc là qu'il fallait chercher. Laurent n'avait peut-être pas été le courageux résistant qu'il prétendait avoir été. Et de nouvelles investigations ont permis d'y voir plus clair. Des investigations où? Au ministère de la Justice, où on a exhumé les procès-verbaux établis par le juge d'instruction après la guerre. Et petit à petit, en recoupant ces pièces avec d'autres informations, la vérité est apparue. Laurent avait été un agent de la Gestapo. Et la DST a reçu l'autorisation de l'arrêter dès que la preuve de sa collusion avec un service étranger serait rapportée. Et cette preuve a été réellement apportée? Dans les services, on n'oublie rien. Et des types de la DST se sont souvenus d'une vieille affaire. Il n'y a pas si longtemps, je vous ai parlé de Georges Pack. Oui, c'est ce... Pack, c'est ce fonctionnaire français travaillant à l'OTAN et qui a été lui aussi accusé d'espionnage au profit des soviétiques. Oui, Pack a été arrêté en août 1963. Et à cette occasion, on pensait bien que tous les diplomates susceptibles d'être les hommes du KGB ont été mis sous surveillance. Oui, ils étaient nombreux. En effet. Or, deux jours après l'arrestation de Pack, un de ses agents du KGB s'est rendu chez Laurent en pleine nuit, et non sans avoir pris la précaution de changer plusieurs fois de voiture. Il en est ressorti avec un paquet. Un paquet, tiens donc. Et à l'époque, on n'avait pas donné suite. Non, Laurent ne faisait pas partie des gens qu'on pouvait suspecter d'espionnage. Mais à la lumière de ce qu'on savait maintenant, ça prenait une toute autre dimension, n'est-ce pas? Et c'est donc à partir de là que la décision d'arrêter Laurent a été prise. Mais, le ministre de l'Intérieur a exigé un maximum de précautions et la présence permanente d'un médecin dans les locaux de la DST. Mais parce que Laurent avait été déporté. Et qu'il était pensionné comme invalide de guerre, oui. Et comment le préfet a-t-il réagi? Il a d'abord joué les outragés, puis il a menacé. Quel genre de menace? Il a mis en avant ses nombreuses et puissantes relations. Ça, c'est classique. Hein. Mais il a été aussi plus loin. Je ne me souviens plus de l'expression qu'il a employée, mais en gros, il a dit « Si moi je tombe, il y a à Paris des dizaines de gens qui vont trembler. » C'est-à-dire des gens qu'il aurait pu dénoncer? C'est ce qu'il l'a laissé entendre, oui. En tout cas, c'était déjà un aveu, ça, hein? Non? Oui, absolument. Mais d'ailleurs, très vite, après ces quelques gesticulations, Laurent va se mettre à table. Surtout à partir du moment où on lui a révélé ce qu'on savait de son passé. Il n'a donc pas nié qu'il était un agent du KGB? Non. Il a reconnu que les soviétiques étaient en possession de son dossier de la Gestapo et qu'il était donc obligé de travailler pour eux. Mais est-ce qu'il a révélé quel genre d'informations il a transmises au KGB? Il a bien sûr tenté de minimiser l'importance de sa collaboration. En somme, d'après lui, il se serait contenté de fournir quelques notices biographiques d'hommes politiques et des renseignements sans réelle importance. Mais il était évident qu'il mentait. Est-ce que la DST a pu découvrir la vérité? Pas vraiment, non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous l'ai dit, il a avoué très vite qu'il était dans les mains du KGB et il était sans doute prêt à révéler l'essentiel. Mais un homme est intervenu. Un homme qui? Un ecclésiastique. Un homme qui non seulement était une sorte d'autorité morale dans le monde de la résistance, mais qui avait aussi connu Laurent en déportation. Avec l'aval des plus hautes autorités de l'État, il a pu rencontrer Laurent en cours de sa garde à vue, et à partir de là, le préfet n'a plus rien voulu dire. Plus d'aveu? Plus d'aveu, non. Que s'est-il donc passé au cours de l'entrevue que cet ecclésiastique a eu avec Laurent? Vous pensez bien que je n'ai pas assisté à cet entretien très privé. D'accord, mais enfin, vous devez quand même avoir une idée de ce qui s'y est dit, non? Oui, c'est vrai. Et c'est sans doute l'une des clés de toute cette affaire. Alors, je vous écoute. Vous avez vous-même remarqué qu'un préfet n'a pas accès à de véritables secrets d'État. Oui, mais vous m'avez répondu que Laurent pouvait être considéré par les soviétiques comme une sorte d'investissement. Et puis d'autre part, à la fin de sa carrière, il a exercé des fonctions intéressantes pour le KGB. Bon, je ne retire rien de ce que j'ai dit, mais si Laurent était une sorte d'agent dormant, pourquoi les agents du KGB auraient-ils continué à avoir des contacts très fréquents avec lui? Et pourquoi, deux jours après l'arrestation de Pâques, un officier du KGB a-t-il pris le risque d'aller chez lui et d'en repartir avec un paquet? Je vous le demande. J'ai bien réfléchi. Et je pense que le secret de Lorrain, c'était les dossiers qu'il détenait. Et des dossiers sur quoi? Des dossiers sur des hommes qui, comme lui, avaient eu des faiblesses pendant la guerre. Grâce à ses amis soviétiques, grâce aussi à Guélène, Lorrain avait accumulé des archives assez explosives. Rappelez-vous ces menaces. Il y a des dizaines de personnes dans Paris qui vont trembler si je tombe. Alors comment situer l'intervention de cet ecclésiastique? Il a dû raisonner Lorrain et le convaincre de se taire pour sauver l'honneur de la résistance. Oui, mais il fallait bien lui donner quelque chose en contrepartie. C'est ce qu'il a fait. Il a donné l'assurance à Lorrain qu'il serait bientôt libre et que son affaire serait réglée tôt ou tard, à son avantage bien sûr. C'est vraiment ce qui s'est passé? Bien sûr. Lorrain a été jugé très rapidement et condamné à quelques années de réclusion pour espionnage. Mais très peu de temps après, il a été libéré pour raison médicale. Et entendez bien, il a ensuite été amnistié lors de l'élection de Georges Pompidou. Et il a récupéré non seulement ses médailles, mais aussi sa retraite. Quant à son honneur, à vous de juger. Revenons pour finir sur la visite de cet ecclésiastique, alors que celui que nous avons appelé Lorrain se trouvait en garde à vue dans les locaux de la DST. Jean Rocher, patron du contre-espionnage à l'époque, y fait longuement allusion. Et lui aussi s'interroge. Il s'étonne en particulier qu'au lendemain de cette visite, le ministre de l'Intérieur, qui l'a félicité la veille, le convoque et lui assène une véritable volée de bois vert. Je cite Rocher, dont je rappelle qu'il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « 5 ans à la tête de la DST ». J'ai droit à une avalanche de reproches sévères. La procédure était à ses yeux devenue incomplète. Les interrogatoires n'avaient pas été poussés à fond. Il fallait tout reprendre et remplacer celui qui dirigeait les auditions. J'étais suffoqué de me trouver devant un tel renversement de situation. Que s'était-il passé pour, en quelques heures, le faire changer aussi brutalement d'attitude? Était-ce la chancellerie, peu fière d'avoir enterré le dossier de l'occupation et voulant à tout prix éviter un déballage public, qui avait réussi à le persuader de ce qu'il me disait maintenant? Était-ce le Quai d'Orsay qui voulait éviter les complications diplomatiques, ou bien fallait-il envisager que des pressions occultes avaient été exercées sur lui, non pas sur le plan personnel, mais à l'égard de la formation à laquelle il appartenait? Il est bien connu qu'en politique, la règle « tu me tiens, je te tiens » a en différentes occasions réussi, hélas, à bloquer la marche normale de la justice. Sans commentaire, j'ajoute que de nombreux livres évoquent cette affaire. Parfois, le véritable nom de Lorrain est écrit en toutes lettres. Parfois, ne figurent que ses initiales, puisque Lorrain, répétons-le, a été si curieusement et promptement amnistié.